choses quand je danse avec toi. Sexy wine flotte dans mes souvenirs. Les autres lascars n'arrêtent pas de rager. Tes baisers tellement sales, je dois la dédommager. Allez, oh baby, ma seule princesse. Elle saute sans cesse et les voisins s'inquiètent. Mais y'a pas de stress, pas de love sans sexe. Tu vas finir dans le ciel sur le baromètre. Allez, les choses ont mes épaules, mais je voyage. Mais reste dans les parages, mais jette, c'est la noyade. Mais j'aime bien. On serait pas là si tu valais rien. Maintenant fais le sol et bas. Love dans la salle de bain. Quand je suis dans le club, je ne fais que teaser. T'es par les autres gars, ce qui ne font que kiffer. À dire. Bébé, allons, allons, je vais rien demander. Oh là là, toi t'as que de la bouche en bazar. Moi je m'en fous si t'es mon chambala. Oh là là, tu m'emmènes en balade. En balade. Moi je suis pas Beyoncé, t'as vu le déhanché. Je pourrais tout balancer si tu m'invites à danser. Ah oui, oui, cette nuit on peut le faire. Ah oui, cette nuit on va le faire. Cette nuit on va le faire. Quand je suis dans le club, je ne fais que teaser. Devant les autres gars qui ne font pas kiffer. D'aller, d'aller, d'aller au bébé. D'aller, d'aller, d'aller au bébé. Quand je suis dans le club, je ne fais que teaser. Devant les autres gars qui ne font que kiffer. D'aller, d'aller, d'aller au bébé. D'aller, d'aller, d'aller au bébé. Jamais menti. Hey yo, hey yo. Avoir deux, trois femmes, tu sais même pas que j'avais menti. Effraction dans ton cœur comme un bandit. Aime-moi, tant pis. Aime-moi, je m'en fous. Effraction dans ton cœur, c'est l'incendie. Aime-moi, tant pis. Aime-moi, je m'en fous. J'ai beaucoup de choses à te dire que tu n'entends pas. Si je quitte même hors de moi, le règne s'empare de moi. Beaucoup de choses à te dire que tu n'entends pas. Si shit même hors de moi, le haine il s'empare de moi. Regarde-moi. Hey yo, hey yo. Mamie, est-ce qu'il reste un peu de love pour moi? Hey yo, hey yo. C'est ce que je m'imagine quand tu danses pour moi. Hey yo, hey yo. Mamie, est-ce qu'il reste un peu de love? Je t'intrigue, c'est des choses normales. De temps en temps, je bombe banal. Je dois t'y faire. Bébé, tu me stresserais, je pourrais faire la peste. Je vais pas te rendre bête, bête. Rien que tu me testes, testes, testes. Tu peux garder la pêche, pêche, pêche. Ouh, j'ai peur. Vois pas que je suis des leurs. Vois pas que je doute. Fais pas tout seul. Noé, Noé, mauvaise nouvelle. Noé, Noé, mauvaise nouvelle. Au loin, j'entends mauvaise nouvelle. Aucun mot ne peut prouver mon respect. Aucun autre gars ne peut me tester. Tu peux chercher. J'ai dit tu peux chercher, babe. Bonsoir, la Aquafina, Katrina, bébé t'es ma Zina, love, Makina, Habiba, ne me laisse pas solo sur le rivage, tout seul avant voler dans les virages. Hey yo, hey yo, mamie, est-ce qu'il reste un peu de love pour moi? Hey yo, hey yo, c'est ce que j'm'imagine quand tu danses pour moi. Hey yo, mamie, est-ce qu'il reste un peu de love?